Donc Sébastien qui va nous parler des lois non respectées des 100 logis. À toi. Alors, dans les années en 1945, il y a une loi qui a été créée suite après l'après-guerre, où cette loi, c'est une loi qui a été créée qui s'appelle la réquisition au logement vacant. Alors, ce droit-là, en fait, ça permet de pouvoir loger des personnes qui sont à la rue. C'est égal à tout simplement, permettre de pouvoir réquisitionner des personnes au niveau des logements, pouvoir réquisitionner des logements vacants, hein, bien sûr, dans toutes les villes de France. Principalement suite à Madame Hélène Dufour qui a fait un grand travail en créant le DALO, hein, bien sûr, le droit au logement opposable, ou tout simplement aussi en 5 ans avant, au moment du gouvernement de Sarkozy, il a été créé aussi le 115. Le 115, tout simplement, c'est une plateforme qui permet de pouvoir au téléphone héberger les personnes à la rue, en foyer ou en centre d'hébergement d'urgence, et permettre de pouvoir se réinsérer dans la société. Alors, par rapport à Cécile Duflot, en fait, elle raconte un petit peu qu'est-ce qu'elle est en train de vouloir faire au moment de son élection en tant que ministre du Logement, qui est tout simplement datée du 27 octobre. Il y a 50 ça, nécessitant tout simplement le droit d'autorisation au niveau des logements vacants. Des logements précaires pour des personnes précaires comme des familles où il y en a énormément. Alors par rapport à ça, il faut savoir que pendant une période, il y a quelques années de ça, au moment il y a eu 100 000 logements vacants où 200 personnes ont manifesté suite à l'appel du DAL. Sur ces 100 000 logements, ils ont quand même, il y a eu quand même une responsabilité suite au DAL, où là, ils ont quand même réussi à pouvoir ouvrir à peu près 200, à pouvoir ouvrir et réquisitionner environ plus de 2,29 millions de logements vacants en France. C'est chiffré avancé par le DAL, le droit au logement. Sur ces logements, ça a été une réquisition faite par des questions au niveau du SDF qui était dehors, qui vivait dehors encore une fois. Et malheureusement, tous ces logements vacants sont tellement rachetés par certaines personnes, comme on va reparler un petit peu, comme le témoignage de l'autre fois sur les banques, qui sont aussi rachetés aussi par le gouvernement lui-même, la préfecture et la mairie. Et malheureusement, par rapport à ça, ces logements, ils sont tous fermés. Il faut savoir que sur 100 000 logements à l'époque, à ce temps-ci, on se retrouve à peu près au triple, voire au quadruple logements vacants dans toute la France. En même temps, tout simplement aussi, on va parler aussi par rapport à la solidarité. La solidarité, pour moi, ce mot-là, c'est un grand mot, parce qu'être solidaire entre nous, c'est être humaniste. De pouvoir... au lieu de penser à soi-même, de pouvoir penser un petit peu à tous ceux qui ont besoin, comme des familles, des personnes isolées, des enfants aussi qui sont dehors. C'est un maximum de personnes. On a eu aussi une petite nouvelle un petit peu plus dure que ça, où à l'époque, il y avait 500 000 personnes à la rue. Sur ces 500 000 personnes à la rue, à ce temps-ci, en 2016, il se passe que ça a triplé, voire doublé de volume, par rapport au nombre de personnes qui vivent en France, en comptant tout le monde qui arrive. Que ce soit des immigrants ou des personnes qui sortent de chez papa-maman, qui ont voulu rentrer dans la société et en fait n'ont pas réussi parce que ils se sont plantés, ils ont voulu voler leurs propres ailes et qu'à la fin du compte, on a pas papa-maman, à la fin du compte, ils n'ont pas pu s'en sortir parce que les parents n'étaient plus là. Par rapport à ça aussi, en même temps, il faut savoir que la loi de la réquisition, c'est une loi qui date de 45 après la guerre. C'est sous l'article L641-1 du Code de la construction de l'habitation, qui est obligatoire pour les personnes, où ce n'est pas respecté depuis maintenant 1945 et ça a été voté pourtant exclusivement en 98. Le problème est là. Le problème que si on peut passer des lois qui ne sont pas respectées par le gouvernement, comme la loi aussi qu'on appelle le Code de l'action sociale, qui est tout simplement... l'article de l'action sociale L345-2-2 au moment de 2014 qui dit que toute personne sans abri en situation de détresse doit être obligatoirement signalée par les services sociaux ou les services comprenant beaucoup de systèmes, c'est-à-dire un suivi social, médical, psychologique ou psychiatrique, ou même un dispositif d'hébergement d'urgence pour certaines personnes, pour après se rallier au niveau de la réinsertion. Alors moi, comme je vous montrais en fait pour vous, je souhaiterais savoir qu'est-ce que vous pensez du petit message qui est là, le partage solidarité, une urgence nécessité. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Moi, pour moi, tout simplement, c'est on parle d'état d'urgence. Mais est-ce que l'état d'urgence qu'on parle par rapport aux attentats, est-ce qu'on ne pourrait pas en parler par rapport aux gens qui sont à la rue et au nombre de morts qui s'élève à 3500 morts par an dans la rue? Ça devient très énorme. Ces 3500 morts, on n'en a jamais entendu parler, que ce soit par les médias, par les journaux ou n'importe qui. Il se passe que là, par rapport à ça, il faut savoir que pour quelle raison on n'entend pas parler de nous? Parce qu'on vit dehors, on n'a pas d'argent, parce qu'on touche le RSA, ou rien du tout pour d'autres personnes, ou même des copains qui n'ont pas de papier et qui dorment dehors. Et il se passe que derrière, vu qu'on touche rien, on n'est pas habilité à pouvoir se montrer comme telle personne envers le gouvernement. On fait tâche, malheureusement. Par rapport à ça, tout simplement, ces lois-là, moi je vais dire que c'est des lois qui sont inexplicables parce que, en fait, depuis pas mal d'années, quand on vote des lois, qui, comme beaucoup de lois qui n'ont pas de respect du tout par rapport au gouvernement, ça permet de tout simplement éviter de se dire, bon ben voilà, on a plus de 200 millions de Français qui dorment dehors en France, sans compter les immigrants, où il y a eu dernièrement 2500 immigrants à Jaurès qui dormaient en toile de tente et qui se sont fait un petit peu acharnés par les CRS, qui sont un petit peu sévèrement abusés. Parce que moi, comme je vois un petit peu, comme on peut voir tous qui dorment dehors, la plupart du temps, c'est la répression policière, c'est nous-mêmes qui la vivons du jour et nuit. Quand je dis jour et nuit, c'est très simple. Alors, jour et nuit, c'est 3 à 4 jours par semaine, en fait. On a un contrôle par la BAPSA, qui s'appelle la Brigade Assistance aux Sans-Abri. Et en même temps, vous avez aussi la BAC de nuit qui vient nous virer sur les places publiques. Parce que tout simplement, ça fait une grosse tâche par rapport au gouvernement, surtout en période hivernale ou estivale. En période hivernale, on appelle ça la période consacrée que tout simplement, on doit mettre tout le monde à l'abri pour pouvoir éviter que la personne meure. Sauf que si on pense à la période hivernale, il faudrait aussi qu'on pense à la période estivale qui permettrait de pouvoir héberger un maximum de personnes. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est 12 mois d'affilée normalement. Sauf que, au jour d'aujourd'hui, la période hivernale dure combien de temps? Octobre, novembre, décembre, janvier, jusqu'en février, mars, début mars. Jusqu'en début mars. Après début mars, il n'y a plus personne. Les places sont restreintes. Chaque année, vous avez la préfecture qui se permet de pouvoir réquisitionner des places pour Pierre-Paul Jacques ou pour on ne sait quoi. Alors, quand vous voyez que vous appelez le 115 pour une personne, pour une solidarité, pour une personne qui en a besoin, pour attendre une réponse, soit ça met dans les 5 à 10 minutes qui suivent, ou sinon vous pouvez attendre 2 heures, 3 heures, 4 heures ou 10 heures, ça sera toujours la même réponse, il n'y aura rien du tout. Pour moi, c'est inadmissible ce gouvernement qui nous exploite et qui cache la vérité en France, parce qu'en France, faut pas oublier qu'on est quand même un des pays les plus riches au monde et qu'on essaye de pouvoir cacher une pauvreté et qu'on montre une autre pauvreté dans d'autres pays. Cette pauvreté-là, c'est partout, dans tout le monde entier. On peut se retrouver comme en Afrique, on peut se retrouver comme dans les pays d'Afrique du Nord, comme d'Afrique du Sud, dans les pays aussi, les pays de l'Est, où il y a énormément, énormément, énormément de personnes à la rue. Sauf que ces personnes qui vivent dans certains pays ont tellement la volonté du partage et tout simplement de la solidarité qu'à ce temps-ci, la rue n'existe plus. En France, quand une personne que vous voyez dans la rue qui vous dit bonjour, tous les Français en eux-mêmes, qui vivent dans le capital, entre guillemets, vous regardent d'un air de bas en se disant tout simplement, bon ben voilà, tout de suite, s'il me dit bonjour, c'est pour me demander de l'argent, ce qui est faux. Vous avez des personnes où moi j'ai fait un petit calcul tout à l'heure, ce matin en me réveillant, de 8h30 jusqu'à midi. Et il se passe que pourtant un pourcentage pour la politesse et le respect de l'être humain en lui-même, c'est pas énorme. C'est 10 personnes sur 50. C'est pas grand-chose. Alors moi aussi en même temps, je vais parler sur aussi une chose qui est très importante, qui s'appelle comment aider une personne à la rue. Alors, comment aider une personne qui est sans abri? C'est vraiment très simple. C'est tout simplement une personne qui est sans abri, qui demande un soutien, une aide ou autre chose. Ça peut être une aide par rapport, comme les années 80, au début des années 80, la politique thermomètre, où là, c'était déclaré directement le produit de l'état d'urgence hivernal. Après, vous avez eu aussi, tout simplement, le nombre de personnes qui vivent à la rue, qui a été sorti à l'époque. En France, c'était un État qui était, au niveau du secteur associatif, dans toutes les villes. En Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, était pareil. Sauf que à ce temps-ci, c'est devenu différent suite aux sans-abri en France, parce que bon, on va avoir des sans-abri qui sont un petit peu méchants, qui sont un petit peu voleurs, qui sont un petit peu insultants, ou autres, parce que c'est suite à tout simplement, soit c'est la colère parce qu'on en a marre de nous regarder de bas, ou même ça peut être à cause de l'alcool, comme de la drogue ou n'importe quoi. En même temps, au niveau de l'estimation en 2001, l'estimation solide de la population sans logis, en 2001, c'est environ 86 000 personnes sans logement. Ce qui est quand même énorme en 2001. Alors, au jour d'aujourd'hui, on monte à 130 000 personnes sans abri. C'est sans compter, hein, bien sûr, je compte pas les immigrés, les personnes qui arrivent en France, hein, bien sûr. Ce qui est devenu un problème au niveau de l'hébergement SDF, parce que bon, comme on a pas mal de centres, sur tous les centres, vous avez à peu près, allez, on va dire, 3 centres où là, ils hébergent plus des personnes qui sont en centre de réinsertion sociale, ce qu'on appelle le CHRS, hein, bien sûr, c'est permettre de pouvoir avoir une place pendant une période, le temps de s'en sortir et d'aller travailler, hein, bien sûr, comme tout le monde. Et tout simplement, le problème est là. Alors, pour par rapport à tout ça, moi, je souhaiterais savoir, et inviter tout le monde à pouvoir venir nous écouter quand même, parce que ça, c'est assez important. À ce temps-ci, vous savez qu'en 2015, en fait, on a eu le résultat de nombreux morts dans la rue, qui est de 2 800 personnes. À ce temps-ci, on est au mois de juillet, on arrive bientôt en août. On est à peu près déclaré par le collectif des morts de la rue à 250, voire 260 personnes, sans compter les autres personnes qui ont été déclarées par leur famille retrouvée, qui vivaient dehors, qui est multipliée par 6. Ce qui est quand même assez énorme. Mais ça, on n'en parle jamais parce que, bon, ça fait un petit peu tâche dans la société et dans le gouvernement. Quand on peut voir que le gouvernement, à l'époque de Madame Duflot, qui a voulu un petit peu se faire entendre suite à l'aide au logement, suite à l'aide à l'hébergement social, que à ce temps-ci, elle a dû partir du pouvoir après avoir eu l'élection de Hidalgo, où Madame Hidalgo a préféré de récupérer Monsieur Brossin et Madame Versini, qui sont les adjoints au maire de l'action sociale et l'action au logement. Monsieur Brossin, qui est communiste, qui fait du très bon boulot pour toutes les personnes, qui ont un dossier HLM, mais pour le reste, au niveau de l'hébergement et du social, qui s'appelle Madame Versini, au niveau de son travail, c'est complètement désastreux. Il faut savoir que vous avez eu une automatique de suite au foyer dans le 16e arrondissement. Ça a été automatiquement Monsieur Brossa qui a réussi à pouvoir avoir l'ouverture à partir de septembre. Sauf que l'ouverture dans le 16e arrondissement de ce foyer-là, c'est 200 personnes en plus. C'est sur le nombre de 200 personnes, au taux de à peu près 2 à 3 000 personnes au total à la rue, c'est pas grand-chose. On peut nous envoyer dans des foyers où c'est des dortoirs de minimum entre 60 et 80 personnes. Et le reste, les foyers où c'est des chambres de 2, 3, 4 personnes, c'est surtout principalement des CHRS. Ce qui est quand même assez inadmissible parce qu'on veut faire passer d'abord la personne à la rue qui travaille, mais il se passe que toutes les personnes qui sont à la rue, il n'y en a pas beaucoup. Pour moi, j'ai pas mal visité la France entière. Et quand je vois que sur Paris, qui est quand même une très grande ville, comme pour Lyon, comme pour Marseille, vous savez, sur Lyon, vous avez pas mal de foyers où il y a même des personnes qui dorment dehors avec des animaux, mais qui peuvent avoir une place dans un foyer. Sur Paris, ces foyers maîtres et chiens, n'existent pas. Pourquoi ? On ne sait pas. Merci Madame Hidalgo et Monsieur Brossard et Madame Versigny. Par rapport à tout ça, moi, je souhaiterais dire un seul mot. C'est que si le peuple en lui-même, on se révolte tous ensemble, en ayant au moins proprement, mais en ayant quand même un petit mot assez vulgaire, les couronneuses de pouvoir se donner la main et d'avancer ensemble, et d'avoir une solidarité ensemble, c'est-à-dire de regarder la personne que vous voyez dans la rue en train de demander, en train de faire la manche ou un truc comme ça, au lieu de l'ignorer, passez le voir. Essayez de venir lui parler, parce que c'est principalement ça qu'il demande. C'est un parler, c'est un contact. Ça peut être un bonjour, ça peut être un sourire, ça peut être un signe de tête, ça peut être n'importe quoi. Mais principalement, c'est respecter le respect de l'être humain en lui-même. Quand on nous a créés au moment de Dieu, Dieu, il n'a pas dit, ouais, je te crée pour récupérer de l'argent. Il a dit, tout simplement, je te crée pour aimer ton frère ou ta sœur comme tu es. Pour moi, on est dans une société à ce temps-ci de matériel. On est dans une société de capital et on a complètement oublié ce mot-là, le mot respect de l'âme. L'être humain, il peut être à la rue, il peut être dans la précarité, ça ne veut rien dire. Comme moi, j'ai entendu dernièrement, et je me suis quand même renseigné aussi en même temps, il faut savoir que sur 66 millions de personnes en France qu'on est, vous avez quand même un pourcentage assez énorme qui est au niveau précaire. Pas précaire parce que c'est le mot exact pour beaucoup de personnes. Alors ce pourcentage, sur 60 millions de Français, c'est 55% de Français qui sont dans la misère. La misère, quand je dis la misère, ça peut être misère au niveau du travail, la misère au niveau de l'argent, au niveau du logement, au niveau de tout ça. Vous avez le reste des 45% qui sont un petit peu plus haut, ça peut être des patrons, ça peut être n'importe qui, et qui eux versent des lois, qui eux versent des impôts, parce que nous, en tant que précaires, qui ont moins de 3000 euros par an, on ne peut pas être déclaré aux impôts en tant que personne imposable. Le problème est là. Les impôts sont versés par des contribuables qui travaillent pour 1200 euros, pour plus ou pour moins, et qu'à la fin du compte, s'il est opposable, bon bah voilà, on va lui demander, bon bah, tu touches 1200 euros par mois, à la fin du compte, au niveau du calcul, bah on va te demander 2008 à 3000 euros par an pour l'année, au niveau de tes impôts. C'est assez difficile. C'est pour ça que j'appelle ça la précarité. En France, si on se retrouve avec autant de précaires, c'est pas suite à tout simplement que la personne elle-même l'a décidé. Parce que moi, je connais pas mal de personnes et je fais appel aux personnes. Momo ? Tiens, tu peux aller chercher Momo, Fabrice est sur le banc. Momo, Fabrice est sur le banc là-bas au fond. Alors là, je vais vous présenter deux, trois copains qui sont souvent avec moi. Dont deux qui dorment avec moi, qui dorment en face au niveau d'Orange. Donc sur ces deux personnes qui dorment avec moi, il n'y en a qu'une seule qui travaille. Cette personne travaille dans un métier, qui travaille pour la RATP, tout simplement, il est afficheur d'affiches. Il colle les affiches. C'est un métier très risqué, c'est-à-dire c'est 4 mètres de hauteur, il peut tomber à tout moment. Il vit dehors. Il y a une autre personne, vous vous posez tous la question, pourquoi on se retrouve dehors? C'est pas pour des raisons autres que ça peut être comme vous pensez, non. Ça peut être un problème par rapport à la famille, par rapport au travail, c'est-à-dire le licenciement. C'est peut-être aussi par rapport à un problème sentimental aussi, ou psychiatrique, ou un truc comme ça. C'est-à-dire que les personnes, la plupart des gens à la rue, sont beaucoup des personnes qui n'ont jamais vécu avec leurs parents, ou qu'ils arrivent de l'étranger, qu'ils n'ont pas de papier. C'est beaucoup ces personnes-là. Moi, je le remarque énormément. Moi, quand je vois les personnes qu'on peut nous regarder dans la rue et qui nous disent « bah, va travailler », oui, je voudrais bien aller travailler, moi. Il n'y a aucun problème. Mais dormir dehors, aller travailler le matin toute la journée, rentrer le soir, en sachant que les associations pour prendre une douche, c'est tous les matins, ce n'est pas du tout facile du tout. C'est-à-dire que vous avez une journée le samedi, et le samedi, c'est une journée toutes les deux semaines, pour servir. Vous restez pendant deux semaines avec les mêmes affaires sur votre cul, malheureusement. Il y a aussi la décence. Alors, en même temps, il faut savoir que au niveau de ces lois que je vous parle, en fait, c'est énormément de lois qui sont passées, qui ne sont pas respectées, qui ne seront jamais respectées par le gouvernement. Parce que lui, ce qu'il cherche, tout simplement, c'est de montrer la pauvreté. Mais cette pauvreté, elle est de partout. Alors, quand vous voyez qu'en période hivernale, en période d'été, bah, le préfet demande à ses copains, les forces de l'ordre, de venir sur les endroits publics, visitables par les touristes, et de vous demander de dégager au fin fond du centre-ville pour pouvoir vous éliminer et éviter de voir une mauvaise vue. La mauvaise vue, c'est quoi? C'est que tout simplement, on est une tâche. On va demander de l'argent, les gens, pour eux, aller Paris, le maire de Paris va se dire, bon ben voilà, on a un problème, les touristes, ils viennent plus parce que voilà, ils veillent tellement la misère que voilà, c'est faux. En même temps, il se passe que, par rapport à tout ce qu'il peut avoir, toutes les lois qui ont été créées, surtout la loi de 45, quand on peut voir le nombre de logements vacants, surtout dans les quartiers au niveau de Rivoli, Châtelet, ces quartiers riches, hein, bien sûr, assez bourgeoisiques, où tous les immeubles de tous les premiers, au niveau des tout premiers, de tous les immeubles des, au niveau du premier étage à tous les immeubles dans la rue de Rivoli, les premiers étages sont tous fermés. Pour quelle raison? On se demande. Aussi par rapport à tout simplement aussi au niveau du travail. J'ai un de mes collègues qui est là. Tiens, viens Momo. J'ai mon collègue qui travaille, qui dort dehors, il est là. Je vais le passer, il va vous faire un petit témoignage en quelques minutes pour un petit peu expliquer sa situation. Merci papa. Bon, bonjour à tout le monde. C'était la seule chose que j'avais pas envie de faire en fait, c'était de parler de mon histoire personnelle. Parce que bon, voilà quoi, même si on se respecte et tout ça, t'as vu, on va passer loin du sujet. Voilà, moi j'ai une pension alimentaire à payer, j'en aurais payé en province, parce que j'ai gardé mon appart en province. Je suis venu à Paris, c'est pour m'en sortir, et j'ai trouvé du travail à Paris, parce que à Paris il y a du travail, en province c'est plus rush. Genre moi j'ai un passé de char de tôle quoi, il faut du travail ou sinon j'y retourne. Voilà quoi, il n'y a pas de... Et ici, on parle d'aide et tout ça. Vous voulez faire des grandes choses, mais il faut déjà commencer par le commencement, vous avez vu. Il faut se faire confiance. Là, on se fait pas vraiment confiance, vous avez vu. Problème principal sur Paname, c'est que, par exemple, il n'y a pas de logement ou alors faut payer cher. Moi, par exemple, je lave mon linge juste à côté, vous voyez. Après, parce que je travaille, je partage avec les gens avec lesquels je suis. Mais même si on a de belles idées, de grandes idées, c'est tout à votre honneur. Moi, personnellement, vous me saoulez un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a rien de concret, quoi. Moi, sincèrement, vous m'énervez tous comme vous êtes, hein, la vérité. Hein. Il y en a qui crèvent leur mère en pleine Méditerranée, ils se font bouffer par des requins, t'as vu, pour venir ici. Enfin, j'exagère. Hein. Les requins, c'est parce que... Après, grand respect à vous, vous avez vu. Mais il y en a ici, moi, je suis désolé, aujourd'hui, c'est pas le cas. Ben, j'ai un petit peu bu parce que c'est samedi, voilà. Et que j'en avais un petit peu marre, donc du coup, je me suis laissé un peu aller. T'es. On parle, on a bu, il a fumé, ça apporte quoi de concret, quoi? Rien. À un moment donné, on peut gérer une place, être là, mais pour faire quoi? Je veux dire, moi, j'ai un problème, je veux laver ma veste, normalement, je dois pouvoir l'emmener chez un de chez vous, vas-y, lave-moi ma veste, t'as vu? À charge de revanche. Tu dors une nuit chez moi, tu te reposes, tu repars. À la base de tout, faut quand même qu'on travaille. Même si demain, vous voulez changer le monde et travailler, et à un moment donné, ben, faut quand même bien travailler pour créer quelque chose, hein, on est bien obligé, non? Alors là, on dit, on l'aide à faire quoi? À boire une bière. Rien à foutre, moi, d'une bière, moi. Ce que je veux, c'est dormir au propre, être propre, hein? Payer ma pension alimentaire, tu vois? Voilà, enfin, ouais. Et donc, ouais, pour le coup, moi, ça fait en fait, je loue un appart en province, que je paye, hein, pour lequel je paye, j'ai pas le droit à la cave, j'ai pas le droit à tout ça. Et je dors à la rue ici, mais j'ai trouvé du travail. Donc, faut pas trop que je me plaigne non plus. Voilà, pour faire simple. Alors, moi, je vais juste en même temps vous dire, parce que bon, comme on peut voir aussi, il y a beaucoup de personnes qui se disent... Oui, je suis solidaire, oui, j'ai le respect de l'être humain, oui, je suis prêt à faire un maximum de choses, comme je reviens sur Momo. Mais est-ce que il y aurait des personnes là dans l'Assemblée qui seraient capables de créer une maraude? Ce qu'on appelle une maraude, c'est-à-dire tout simplement de préparer des repas chez soi ou des sandwichs et de faire le tour de Paris pour donner à manger au celui-là qui en a le plus besoin. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, je dis, il n'y en a pas beaucoup. J'ai posé pas mal de fois la question, aucune réponse. Vous avez on nous dit toujours, oui, mais sachez qu'il y a des associations qui peuvent vous aider, ceci, cela. Ces associations ne sont pas là pour nous aider. Ces associations sont là pour nous, on va dire, nous changer l'air de la rue. Sauf que l'air de la rue, quand on arrive dans l'association, qu'on rentre dedans, bah, on oublie tout de la rue. Mais une fois on est sorti à une certaine heure, bah, la rue, elle est encore à nous. C'est-à-dire que c'est rebelote, rebelote et rebelote le même chemin. Je me suis mis un petit peu en contact avec ce que vous connaissez un petit peu le CDSL. Le CDSL, en fait, c'est une association qui s'appelle Comité des Saint-Logis, qui se trouve à Convention dans le 15e, où c'est des personnes, c'est une équipe de personnes qui ont créé cette association et qui ont tous vécu pendant une période de 10 à 15 ans dans la rue. Alors, 10 à 15 ans dans la rue, c'est égal à peu près dans la vie, au niveau du visage et du corps humain de la personne, entre 20 et 30 ans de vie. On prend dans la gueule directement. C'est pour ça que pour certaines personnes qui sont à la rue, qui vivent depuis pas mal d'années, qui sont dégradées, qui ne savent plus quoi faire, bah, tout simplement, on les regarde de bas et on va leur dire, putain, lui, regardez, c'est un clochard parce que, regardez, il a un pantalon tout crade, il a une veste tout crade, il a chopé je ne sais quoi au pied, il a des mycoses, il a un petit peu tout ça. Et non, ça, c'est des personnes que vous avez regardées étant enfant, quand vous étiez avec vos parents, ou au pire, que vos parents ont regardé quand ils étaient seuls, et que tout simplement, ils se sont dit, bon, bah, lui, on va le laisser comme il est dans sa merde parce que ça ne nous intéresse pas. La misère existe depuis pas mal d'années. Ça fait depuis 1945 qu'on en parle. Ça n'a rien changé sur les situations. En même temps, au niveau des domiciliations, pour se préparer au niveau des domiciliations, sauf que les domiciliations, vous avez des associations qui sont signées par la préfecture par rapport aux domiciliations. Et ces domiciliations ne sont pas prévues renouvelables avant 6 mois d'affilée. Vous avez 6 mois de temps. Pour cette association, n'importe quelle association qu'il peut avoir, qui font votre domiciliation, ils sont obligés d'attendre entre 3 mois et 6 mois d'affilée pour avoir le renouvellement. C'est-à-dire que ça fait encore une complication pour certaines personnes qui ont perdu, soit volé, soit autre, leurs papiers comme la carte d'identité, la carte de vitesse, la carte vitale et tout ça. Alors, si on n'a pas de papier, on n'arrive pas à toucher le RSA. Si on n'arrive pas à toucher le RSA, on est obligé de pouvoir survenir quand même à nos besoins, c'est-à-dire l'alimentation. En hiver, un petit peu d'alcool, parce que bon, un petit peu d'alcool, et ça, c'est pour tout simplement, pas pour oublier la vie, mais de faire comme tout Français le fait, parce qu'on est quand même un pays le plus riche au niveau de l'alcool. Et faut savoir que, je ne sais pas, mais je pense qu'on est quand même 85% à 95% aux Français qui aiment bien boire son petit verre de vin à la maison tranquille en train de manger, ou même d'aller faire la fête le week-end. Alors là, c'est quand moi on me sort et qu'on me donne une petite pièce en me disant « j'espère que c'est pas pour acheter de l'alcool », je lui réponds comme ça « excuse-moi, mais je te demande une pièce pour m'aider, je te demande pas une pièce pour autre chose ». Je vais pas te dire « oui, je vais te demander une pièce, je vais te demander 1 euro pour aller chercher un sandwich que derrière je vais aller chercher une bière ». Non. Et il est là le problème. C'est que en France, on n'a pas compris le système que tout simplement, qu'on soit à la rue ou qu'on soit ailleurs, hein, bien sûr, en logement précaire et tout ça, l'alcool, pour nous, les Français, c'est pas obligatoire, mais il y a quand même une grande consommation. Mais quand on vous sort ça, ça fait mal au cul, parce que bon, quand vous savez que les gens qui vous disent ça, que le week-end vous les revoyez complètement éméchés, complets, parce que tout simplement ils sont sortis en boîte de nuit, ils se sont bourrés la gueule comme je sais pas quoi, ils ont dépensé des 50, des 150, des 300 euros à la soirée pour avoir acheté une bouteille de whisky, une bouteille de champagne et tout ça, excusez-moi, moi j'appelle ça de l'alcool aussi. C'est pas une canette de bière qui va nous bourrer la gueule, nous. Alors bon, voilà. Et il est là le problème. Pourquoi on n'arrive pas à envisager à pouvoir se dire, bon ben voilà, c'est pas parce que je lui donnais une pièce que tout de suite, il va aller chercher sa bière. Non. C'est tout simplement, on va se dire, on va lui donner une pièce parce que voilà, c'est la solidarité, il en a besoin plus que moi peut-être. Et derrière, il a besoin quand même de s'alimenter, il a besoin de boire, il a besoin de fumer, il a besoin de faire tout ce qu'il a à faire. Il peut essayer aussi, en faisant la manche et d'avoir une chambre d'hôtel, il peut essayer de tout faire. Sauf que le règlement maintenant en France, c'est devenu un règlement de capitaliste et d'égoïste. Être égoïste dans la vie n'existe pas. C'est le partage à lui-même, c'est tu vas me donner un truc, peut-être par la suite, bon bah je vais te donner mon sourire, ou ma politesse, ou mon respect. Et le problème est là. Merci beaucoup, notamment de réintroduire la notion de respect, parce que là, je te suis absolument. Du coup, on va passer à la partie débat. Donc, si vous avez des choses à ajouter, des remarques, des questions, n'hésitez pas à intervenir. Hein, tout le monde est le bienvenu pour dire quelque chose. En fait, quand j'ai dit je vous aime pas, c'était l'opposé que je voulais dire. Hein. Moi, je n'ai pas besoin de ça, je vais crier, moi, j'ai une grosse voix. C'est l'inverse, hein, au contraire. Hein. Je vous aime, moi, bien. Mais je suis tellement vénère qu'on fait rien de concret que je dis toi le contraire, t'as vu? Mais pardon, hein, je pensais pas ce que j'ai dit. Hein. Et je crois qu'en même temps, on se rend tous bien compte qu'on n'est pas dans le même niveau de précarité, en effet. Donc, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions par rapport à ce qui a été présenté? Ouais. Alors, je vais faire un petit peu de publicité, mais c'est pour la bonne cause. On a une copine qui a monté un... Je sais pas trop si c'est une asso, mais en fait, un groupe de bénévoles qui s'appelle Juste de Bon Cœur. Et qui distribue des repas, alors certes c'est l'hiver, c'est pas l'été, qui distribue des repas donc sans domicile fixe, et qui donne des vêtements. Vous avez un groupe Facebook, donc Juste de Bon Cœur, donc si vous voulez aider, voilà. On a un peu du mal à trouver des équipes, c'est un peu compliqué, mais si vous avez envie de venir et partager des moments d'humanité comme vous ne l'aurez jamais fait, parce que c'est vraiment des moments assez touchants en fait quand vous êtes dans la rue et que vous donnez de la nourriture ou des habits à des sans-abri, voilà, juste avec le cœur. Alors c'est vrai que nous on est un peu comme des cons, quoi, parce que on n'est pas à votre place et quand on s'y met, ça fait mal au cœur justement. Donc voilà, donc il y a des choses, alors il en faudrait plus, ça j'en suis conscient, mais il y a quelques initiatives citoyennes qui existent, pas assez, malheureusement, mais il faudrait qu'il y ait une prise de conscience, et ça, Seb, tu l'as dit, je crois que cette prise de conscience, elle n'est pas encore très très bien acquise. Et moi, c'est juste un truc qui me... J'ai du mal à entendre quand on parle... C'est souvent l'hiver, hein, quand on parle des sans-abri, parce que malheureusement, oui, il y en a qui décèdent. Et on entend souvent de la part des médias, alors je... Enfin, moi, c'est pas quelque chose que je comprends pas, mais qu'on dit ouais, mais ils veulent pas sortir de la rue, ils veulent pas se réintégrer, etc. Et je voulais savoir, toi, Seb, ton point de vue quand on dit ça, en gros, ou t'entends ce genre de conneries, toi, qu'est-ce que t'as envie de dire à ces gens-là qui disent ouais, mais en gros, ils sont dans la rue, ils veulent rester dans la rue, et voilà, c'est des choses qu'on entend souvent. Alors pour moi, je vais te répondre à ta question. Moi, pour moi, les gens qui pensent ça de leur part, moi, je les invite à pouvoir venir une semaine d'affilée, à venir avec moi dormir dehors. Et après, on pourra parler, parce que là, on a parlé sur la loi de travail. Ça fait 4 mois et demi qu'on parle sur la loi de travail, sur Madame El Khomri. Mais sur 4 mois et demi, on n'a pas entendu parler sur le logement, sur tout ça. Que pourtant, c'est avec à la base. On parle du travail, mais pour avoir un boulot, faut avoir un logement. Pour avoir un logement, faut avoir un boulot. Chez mon copain, franchement, ça me fait mal au cul, hein, bien sûr, qu'il travaille et qu'il dort dehors en même temps et qu'il est obligé de se lever à 5h du matin. Et pourtant, on est obligé de rester un petit peu éveillé. On va dormir sur une oreille, sur un œil, parce que tout simplement, obligé de faire attention à nous en cas d'agression. Pour moi, ces gens-là, moi, je vais te dire le mot propre que je leur donne. Pour moi, c'est des gros connards. Parce qu'ils n'ont rien compris à la vie, ils n'ont rien compris à la réalité. Si, ils ont compris à la réalité de leur visu au niveau des médias. Alors, tu parles, oui, des décès en hiver, oui. Mais ce n'est pas que des décès en hiver, c'est à longueur d'année, 365 jours sur 365 jours. Ça peut être en hiver, au printemps, en automne, comme en été. Et qu'à la fin du compte, on s'en fout complètement. Parce que, allez, le gars, il est complètement, on va dire... Oui, il y a des personnes qui veulent pas s'en sortir, mais faut pas, comme on dit, on met pas tout le monde dans le même sac. C'est comme, on va dire, la personne qui est salariée, elle a envie de monter et grimper, et il y en a une autre qui veut rester dans la classe ouvrière correctement. Et c'est le même cas. C'est la diffusion des choses. Une autre question? N'hésitez pas, oui, si quelqu'un veut rebondir ou a d'autres questions. Alors, j'ai pas vraiment de questions, mais donc déjà, c'est marrant parce que je savais pas que ça avait un nom, tu vois, la maraude. En fait, moi, j'en avais parlé, j'avais eu l'idée tout simplement. Enfin, en fait, non, j'ai pas eu l'idée, je vais mentir. J'ai vu des gens dans la rue avec des sacs et faire le tour, en fait, des sans-abri pour les aider. Et je me suis dit, mais en fait, c'est con, faut que je fasse ça aussi avec ma sœur, avec des potes. Ça coûte rien, parce que voilà, nous, on n'a pas beaucoup de moyens, mais ça peut nous coûter quand même pas grand-chose d'essayer de faire avec nos moyens, quoi. Mais bon, après, ça pose toujours une question, comme tu dis, parce que quand on le fait, c'est très délicat. Et en fait, t'as raison, hein, moi, je vis assez la nuit, donc je rentre pas mal à pied la nuit ou quoi. Et donc, je croise souvent des sans-abri et j'hésite pas forcément à m'arrêter à parler avec. Mais du coup, j'ai toujours peur de mal m'y prendre parce que toi tu vas amener un paquet de trucs, mais bon, enfin, t'as l'impression que c'est une goutte d'eau, tu vois, enfin, c'est pas vraiment une question, mais. Moi, par rapport au maraude, en fait, j'ai rencontré dernièrement une association qui s'appelle CHAIR, C-H-A-I-R, où c'est une maraude, en fait, de bénévoles, en fait, qui font simplement, qui n'utilisent pas leurs moyens parce qu'ils ne peuvent pas, mais qui font le tour de tous les magasins pour récupérer des légumes, de la viande, des sandwichs, de l'eau, des trucs comme ça. Et que derrière, en fait, ils essayent de se réunir tous ensemble, ils sont à peu près même pas une dizaine. Et ils font le tour de Paris, le tour de la banlieue pour pouvoir récupérer un petit peu partout. Et c'est que des invendus et qui nous les ramènent. Après, vous avez certaines personnes, comme hier soir que j'ai rencontré une dame où je me suis couché, il était à peu près minuit et demi, une heure. Où c'est une dame en fait qu'on n'avait jamais vue à la base parce que voilà. Et c'est une dame en fait d'elle-même, son propre gré, qui travaille dans une boulangerie à côté, qui nous ramène des sacs de pain de son propre gré qui sera pas vendu le lendemain. Vous allez dans des restaurants. À ce temps-ci, on a voté la loi contre tout simplement de jeter la nourriture. La nourriture que vous avez chez vous, que vous mangez, que vous n'avez pas fini, et pourtant c'est un grand plat, bah pourquoi pas le réchauffer ou sinon le distribuer directement après aux personnes qui sont dans votre quartier, qui sont complètement dehors et qui ont besoin de manger, ce qui est quand même faisable. Ou même se réunir entre 5 et 10 personnes maximum, hein, bien sûr, et de se dire, bon ben voilà, toi tu vas aller chercher ça, moi je vais aller là-bas parce que j'ai un bon plan, allez, je vais aller à Franprix parce que bon, je vais aller voir dans les invendus ce qu'ils ont, et allez, on va se rassembler tous ensemble, on va faire une bonne petite popote bien chaude pour l'hiver, pour la personne qui est dans la rue. Ou même pour l'été, une bonne petite salade, ça nous gêne pas, au contraire, c'est de la nourriture, on n'est pas rejeté. On la jette pas, on la récupère et au moins on la mange. Ce qu'on appelle l'économie exactement alimentaire. Après, vous avez des personnes qui pensent, entre guillemets, comme on peut le voir, il y a beaucoup de personnes qui le font. On va lui donner un sandwich, on va lui donner des frites ou on va lui donner n'importe quoi. Et derrière, dans les 5 minutes qui suivent, c'est jeté à la poubelle. Parce que tout simplement, vous avez beaucoup de personnes qui... j'ai pas craché quand même sur les Roms parce que c'est quand même des personnes très très bien. Mais vous avez des Roms qui sont dans un business et qui sont exploités par des plus hauts encore, des mafieux. Où en fait, tant que vous n'avez pas ramené de votre chacun, ils n'ont pas ramené entre 40, 50, 60 euros maximum à la journée, à la fin du compte, ils vont se faire taper sur la gueule. C'est pour ça que vous nous voyez avec des enfants tous les jours à longueur de journée en train de demander des sous. Et à la fin du compte, voilà. En même temps, par rapport aussi... Pour moi, franchement, je trouve qu'on est dans un pays assez libéral, d'où les couleurs françaises qui nous disent liberté, égalité, fraternité. Moi, pour moi, la liberté, c'est, il y a aucune liberté. L'égalité, l'égalité, il y a aucune égalité parce que franchement, quand on regarde que le mec de la rue va regarder la personne et puis la personne va vous rejeter parce que vous êtes une personne qui se trouve à la rue. Ça vous fait mal au cœur parce que tout simplement vous dites putain fait chier, cette personne-là, putain, elle me regarde, mais elle n'ose même pas venir m'aider parce que voilà, elle a peur de soit de l'insulte, ou sinon elle a peur de l'agression ou autre chose. Sauf que faut pas mettre, comme je l'ai dit, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Alors après, si au niveau de la solidarité, moi solidarité, le mot solidarité pour moi c'est de créer quelque chose, comme le comité des sans-logis, qu'ils ont créé leur propre association, l'association CHAIR qui fait des maraudes gratuites, de leur plein gré. Vous avez pas mal d'associations où ces associations, il y en a beaucoup qui ont préféré récupérer le moyen de la finance. Alors quel genre d'associations ? Alors la première, ça serait Monsieur Coluche qui a créé les Restos du Cœur. Les Restos du Cœur à ce temps-ci, c'est une association qui est entre guillemets un petit peu homophobe, entre guillemets, parce qu'ils séparent dans leur fil quand ils distribuent de la nourriture, ils séparent les hommes et les femmes. Alors tout simplement, c'est quand on dit séparer les hommes et les femmes, c'est-à-dire bon bah on va laisser passer la femme d'abord, et puis s'il n'y a plus rien pour l'homme, bah c'est pas grave, on s'en fout. Vous avez aussi du Secours catholique, ou le Secours catholique qui vous se disent je suis du Secours catholique, mais à ce temps-ci, le Secours catholique, il n'est pas là pour vous aider. C'est là pour pouvoir gagner de l'argent, parce qu'il faut une banque alimentaire où vous êtes obligé de verser une partie selon vos moyens. Après, vous avez le Secours populaire. Le Secours populaire, c'est à peu près la même chose que le catholique, sauf que tout simplement, eux, c'est une des associations qui a préféré faire, entre guillemets, on va dire, accueil de jour pour les sans-logis. Mais en même temps, vous avez aussi la Banque Populaire qui est ralliée par rapport à ce que, quand ils viennent chaque année dans les grandes surfaces, qui vous demandent dans le caddie, hein, bien sûr, avec une petite feuille, si vous pouvez acheter des pâtes, des ceci, des cela. Il faut savoir que le paquet de pâtes, ça coûte 99 centimes, eux, ils vont vous revendre 70 centimes. Vous avez aussi plusieurs associations qui pensent qu'à l'argent à ce temps-ci. Moi, je trouve, comme la Croix-Rouge aussi, la Croix-Rouge, moi, je les vois. Quand on les voit en train de défiler avec leurs calepins, tablettes, façon pour faire signer des gens, pour soi-disant aider les personnes qui sont à la rue, moi je dis que c'est complètement de l'arnaque complète. Parce que tout simplement, on se demande, moi j'ai jamais vu l'argent de la Croix-Rouge qui sont versés par vous-même, le peuple. Et derrière, quand j'entends ça, je leur dis, mais pourquoi vous n'osez pas venir sur Nuit Debout pour venir expliquer ce que vous faites et comment vous représentez ça? Et combien de fois ils m'ont sorti, oui, mais on va essayer, ou sinon j'y passe de temps en temps. Mais à ce temps-ci, quand vous les voyez, c'est que des pions qui sont en train de travailler pour quelqu'un qui est en train de s'enrichir sur la tête du pauvre, comme Monsieur Augustin Legrand qui l'a fait pendant des années, pendant pas mal d'années au niveau du quartier du canal Saint-Martin, au niveau des Don Quichotte, ou qu'à la fin du compte, il a formé un bon truc au niveau de profit sur le SDF. Mais derrière, à ce temps-ci, il est au niveau, à côté du gouvernement lui-même. Il est rentré très haut grâce à ça. Et ça devient inadmissible, parce qu'il y a beaucoup de personnes à ce temps-ci qui deviennent dans le sens où c'est l'argent. Si t'as pas d'argent, tu crèves et tu restes au sol. Si t'as de l'argent, tu peux te relever. Et ça, pour moi, vivre sans argent, c'est pas l'argent qui joue les choses. C'est ce qu'on a à l'intérieur. Si on a un cœur en pierre, il restera en pierre. Mais si on a un cœur en chair, avec une bonne âme, là on pourra donner à la personne ce qu'il a besoin et ce qu'il a envie, sans attendre en échange. Momo, il avait un truc à dire. Bah. Je suis vraiment désolé, mais bon, j'aime beaucoup mon ami Seb, hein. Mais moi je vais m'inscrire totalement en faux avec ce qu'il dit lui, ok? Complètement, à 250%, et pourtant je l'aime bien. J'aime beaucoup, avec beaucoup de respect et tout ça. Maintenant, moi je vais vous dire franchement, ok, ça fait 2 mois que je suis là. Genre dans un hôtel 5 étoiles, sa mère, là. Là, un bon, là. En France, tu manges, tu bois gratuitement, tu fais même caca gratuitement. Le français, il est bon, il n'y a pas de souci. T'as vu? Oh, en période de Ramadan, j'étais obligé de refuser des sacs de nourriture. Il y en avait trop. Au moment, j'ai dit, laisse-moi dormir, mon frère, s'il te plaît. Arrête de me réveiller, j'ai trop de bouffe. T'as vu? Il y en a trop, il y en avait de partout, ça débordait sa mère. Alors, elle est là la vérité, en France tu manges, tu bois, il n'y a pas, le français il est bon. Wesh, tu vas en Algérie mon frère, j'aime beaucoup mon pays, plus que la France, hein, je te dis franchement. Moi c'est pas Benzema, moi je respecte, moi c'est l'Algérie, Nadine Babera, l'Algérie. Hein. Après j'aime beaucoup la France, 50-50, t'as vu? Eh ben mais voilà, moi ici en France, j'ai pas crevé la dalle, en Algérie tu creves la dalle sa mère, c'est sûr. Alors voilà, et pourtant je travaille, tu vois ce que je veux dire? Moi je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Là, on n'aide pas les gens, on les aide à saouler la gueule, à se péter leur race. Voilà. T'as vu ce que tu veux dire? Et si tu passes, c'est la place de la taxe. Et ils se défoncent tous, en boit tous. Moi, ça fait 2 mois que je travaille, qui c'est qui m'a aidé moi? Personne, sa mère. Et je paye une pension alimentaire. Les meufs, elles ont trop pris le pouvoir. Nique sa mère, elle prend 300 euros par mois, elle va se mettre de la coke dans le nez, avec mes thunes à moi. Et moi, ce que j'ai le droit de dire, c'est ferme ta gueule. Va niquer ta mère, amuse-toi. Je connais Paris, j'ai fait de la thune à Paname. Oui, tu vas aider les gens, mais tu vas l'aider à quoi? À saouler la gueule. Il nique sa mère, il va saouler la gueule avec ses thunes. Après, la bouffe, c'est autre chose. La bouffe, c'est obligé. La bouffe et l'eau. Attends. Je me barre. Le frère, il n'a pas tort. Bon, il y a une chose que j'ai remarqué, moi, ça fait depuis l'an 2000 que je suis en France. Et je vous dis une vérité. Hein. Ici en France, on arrive plus facilement à donner à boire que à te donner à manger. Plus facilement à boire, à te défoncer la gueule, te donner un joint, même te donner une trace de coke, à te donner de la merde que tu vas mettre dans ton cerveau qui va te détruire, que te donner à manger, qui va te reconstruire, qui va te redonner la force. Et ça, c'est une chose. C'est juste. En fait, en gros, c'est un essoufflement du système. Les gens, ils sont tellement tous déjà mal. Ils consomment des drogues. Ils sont mal. Ils savent qu'ils consomment des drogues. Ils sont mal déjà du fait de savoir qu'ils consomment des drogues. Et ils ne veulent pas être tout seuls à consommer des drogues. Donc du coup, ils englobent d'autres personnes là-dedans, quoi. Donc du coup, ça fait un cercle vicieux. Ce qui fait que notre société, nos enfants, nos jeunes enfants, ils tombent dans la drogue, dans le crack, dans la drogue de merde, facilement comme ça, quoi. Juste parce qu'il y a un essoufflement dans le système. Ils n'ont pas de la suite dans leurs idées. Ils ne savent pas comment gérer cette situation, quoi. Comment ils vont gérer ça? Parce qu'à la base, déjà, il fallait commencer par construire le truc. Construire sur des bases d'éducation, sur des bases de... Eh mon frère, on a tous été éduqués. On a toutes nos valeurs sur des bases de valeurs. Sur des vraies bases de valeurs, quoi. Les valeurs qu'on connaît tous, quoi. Moi, j'ai pris des claques, moi, quand j'étais petit. Moi, ma mère, quand je parlais mal, quand je venais, quand j'ouvrais ma bouche, pendant que les adultes parlaient, je prenais les gifles. Elle a bien fait de me les mettre, ces gifles-là. Alors d'aujourd'hui, quoi, je me dis, vu que moi je suis dans la merde, je me demande si elle aurait pas dû m'en mettre plus. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je vais rajouter un petit mot, entre guillemets, vite fait, avant que ça se finisse. Ou si quelqu'un a une autre question avant que ça se finisse, il n'y a pas de souci. Moi, je vais vous dire, j'ai connu ma mère dans les années 90, en fait. Ma mère qui tapait la manche dans le 18e arrondissement pour simplement me nourrir. Parce que tout simplement, elle ne pouvait pas travailler, elle n'avait pas le droit de travailler, elle devait me subvenir à mes besoins. Quand vous voyez qu'en 90 et qu'à cette heure-ci, en 2016, vous n'avez personne qui est capable de vous dire, bon ben voilà, viens à la maison, tu vas pouvoir manger, tu vas pouvoir claver, tu vas pouvoir bien dormir. Ce qui s'est passé à l'époque. Maintenant, c'est quoi? C'est que tout simplement, il n'y aura personne à voir quoi. Moi, je suis tombé sur la nuit debout depuis 4 mois et demi, je suis là. Je peux vous dire que je suis tombé sur 3 ou 4 personnes au total qui m'ont dit comme ça, bon ben, qui m'ont dit comme ça, pour savoir, est-ce que, Seb, tu sais quoi? Bon ben voilà, viens à la maison, ça va te faire du bien, tu vas pouvoir manger correctement, être chaud, avoir un bon lit, une bonne douche. Mais 4 personnes sur 66 millions de Français, c'est quoi? C'est rien. C'est même pas 1% des Français qui sont capables de le faire. Et ça, ça devient grave. Comme là, dernièrement, bon, on est quelques-uns à avoir intervenu au niveau de l'Assemblée nationale pour 49-3. On est tombé sur Madame Toutain. Toutain qui est déléguée politique de Bayeux. Je peux vous dire que moi, je l'ai assassinée sur le temps. Quand je peux vous dire je l'ai assassinée, je l'ai bien assassinée parce qu'on a dû m'arrêter même. Mais franchement, la réponse qu'elle a eue, ben c'est une réponse que même à Bayeux, ils vivent la même chose qu'au Paris. Dans toute la France, à cette heure-ci, le trois mots le plus important, et c'est même un ministre français qui l'a sorti et qui travaille en Belgique, au gouvernement européen, où tout simplement a dit à cette heure-ci, depuis que 68 est passé, depuis que le droit de la femme est passé, ben le français est devenu individualiste, matérialiste et égoïste. Et ça, faut que ça change maintenant. Parce qu'il y en a marre d'un gouvernement ou d'un peuple qui pense qu'à sa gueule. On doit penser à nous tous. Moi, quand on me donne de la bouffe, si je peux pas la faire chauffer, bah, je pense à quoi? Je me dis, bon, allez, nuit debout, il y a la cantine, allez, je ramène la bouffe qu'on m'a donnée, comme ça, voilà, on peut la réchauffer et la partager avec tout le monde. C'est ça le mode de la solidarité et du respect. Du coup, on va prendre les dernières questions avant la fin de l'intervention. On attend aussi d'autres ont les questions, mais moi, j'en avais une en tout cas, parce que je veux être sûr de bien comprendre ce qui a été dit avant. Est-ce que c'est qu'en fait les personnes qui sont qui montrent en tout cas une solidarité, c'est celles qui sont déjà dans la merde et qui du coup soit picolent, soit prennent des substances et partagent ces substances avec vous, et que finalement il y a plus de solidarité par les personnes qui sont déjà dans la merde ou dans une sorte de misère, qu'elle soit sociale, psychique, peu importe, que les personnes qui ont, disons, un bon niveau de vie, quoi. Et du coup, ça, c'est juste pour savoir si j'avais bien compris ça. Et la deuxième, enfin, la question, du coup, c'est, je sais pas depuis combien de temps t'es dans la rue, mais je voulais savoir, est-ce que t'as eu l'impression, sur ces 10, 20 dernières années, que finalement, il y a moins en moins de solidarité? Est-ce que ça a toujours été pareil? Est-ce que, tout simplement, l'indifférence n'est pas la même? Voilà, c'est en gros l'évolution par rapport au regard des SDF. Alors moi, je vais répondre tout simplement, ça fait exactement 13 ans que je connais la rue. Sur 13 ans, oui, il y a énormément eu de changements depuis le temps. Il y a moins de solidarité depuis qu'on est rentré dans l'euro, parce que l'euro nous a quand même pris dans le dos complètement, nous a mis en précarité pour certaines. Par rapport aux consommations alcool, drogue, il y a plus, oui, c'est beaucoup plus de solidarité pour ces personnes qui sont déjà dans la merde et qui veulent donner la merde à d'autres personnes pour se mettre dans leur niveau. Vous avez des personnes qui viennent de rentrer, des petits jeunes minots qui viennent de rentrer dans la rue. On va direct, ils vont tomber sur des personnes et ces personnes vont lui dire direct, bon ben voilà, tiens, je te donne un caillou, viens, on va taper du crack ensemble. Moi j'ai testé à tout, hein, je vous l'avoue, je me suis arrêté de moi-même, je suis un ancien toxico. De moi-même j'ai arrêté, j'ai pas pris de Subutex, j'ai pas pris de méthadone, j'ai rien pris. Et à ceci, on peut voir que il y a des gens, en fait, la mentalité des gens de maintenant dans la rue, sont capables de donner la mort à quelqu'un qui est dans la rue, au lieu de lui dire, bon ben voilà, qu'est-ce que tu fais dans la rue? Viens avec moi, je te relève et je t'emmène pour t'en sortir. Même si derrière, le gars qui l'emmène va pas s'en sortir tout de suite. Mais au moins, il n'y aura pas un bon geste envers l'autre personne. Et c'est ça le truc. C'est une personne qui est dans la rue, tant que vous ne lui prenez pas la main, il ne bougera pas. Il ne fera pas les choses en temps et en heure. Et ça, c'est ce qu'on appelle se perdre. Et comme vous voyez là, la loi El Khomri, bon, la loi El Khomri dit que tout simplement, le patron aura le droit de vous virer sans aucune raison. Alors, pour moi, ça me fait rire, oui, c'est vrai. Mais est-ce que ça va créer encore beaucoup plus d'emplois, d'une, ou ça va créer tout simplement beaucoup plus de personnes qui deviennent sans logis? Moi, pour moi, ça serait la deuxième solution. C'est-à-dire que ça peut être monsieur au casque avec ses belles lunettes et sa belle chemise et sa belle montre à 300 euros, peut-être, entre guillemets, ou même madame qui est sur le poteau avec sa belle paire de Ray-Ban à 160, 200 euros, ou même n'importe qui se retrouve à la rue. Et puis, à la fin du compte, il va se dire, oh putain de merde, fais chier. Je serais venu sur Nulebout à l'époque pour la loi El Khomri. Je ne me serais pas retrouvé comme ça. Ou même, y a plein de choses qui se passent. Ou même, ça peut être aussi un destin qui n'a pas été destiné parce que bon voilà, moi la rue, je suis tombé dans la rue, je l'ai pas choisi. J'ai dit à ma mère, bon ben voilà, maman, voilà, j'arrive à ma majorité, bon ben je te dis au revoir, j'ai envie de voler mes propres ailes. Ma mère, elle m'a dit qu'une seule phrase. D'accord, y a pas de souci. Mais fais attention parce que tu vas te pointer tôt ou tard comme un petit oiseau qui tombe de son nid. Moi, soy Apel François. Estáis parlant de les personnes de la rue. Todas les personnes de la rue sont personnes con un problema social, un problema racial. No son personnes diferentes a otras personnes con trabajo, con mesón o con manger. No son personnes diferentes por no tener una situación sabá. No son personnes que sean discriminadas por no tener de rien. D'accord? Aquí en la plaza se hace beaucoup de discriminación por raza, se hace beaucoup de discriminación por nacionalismo, se hace beaucoup de discriminación solamente por política, pero no se habla del problema social de la vida de las personas, no se habla del problema transitorio de los inmigrantes que son expulsados de la Francia, rumanos, búlgaros, sirios, líbanos, iraníes. Oui, on parle des problèmes de la rue, mais on parle pas encore des problèmes de discrimination, qu'elle soit sociale ou de l'origine. J'aime pas employer le mot racial, mais de l'origine. Francisco veut quand même évoquer le fait que, d'après lui, d'après son constat, il y a eu énormément de discrimination aussi sur la place de la République pendant le mouvement Nuit Debout. que ce soit une discrimination sociale ou que ce soit une discrimination d'origine. Cette discrimination est-elle volontaire ? Est-elle fortuite ? En tout cas, elle a eu, elle a été constatée par non seulement par Francisco, mais par d'autres gens, je peux en témoigner aussi. L'idée, c'est qu'on parle effectivement politique, mais on parle pas assez, et encore, à quel niveau ça, il s'agirait de le préciser, mais on parle pas assez de social. C'est un peu pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a cette intervention un peu salutaire, alors que le mouvement Nuit Debout, un peu massif, n'est plus tellement présent au final. Ce que voulait dire aussi Francisco, c'est que cette discrimination... Voilà. Et donc il y a un oubli effectivement du respect de la vie humaine, tout simple, et un manque de soutien finalement aux plus faibles que sont les expulsés, les étrangers, les sans-papiers. Il n'y a pas eu vraiment de solidarité manifestée par rapport à eux, notamment quand eux-mêmes ont pu faire leur manifestation ici, les groupes de sans-papiers africains qui sont venus ici, il n'y a eu aucun soutien et aucune prise de parole, aucune cohésion avec eux. Il y a aussi des sites, depuis 2 mois, là c'est moi qui interviens mais ça rejoint ton sujet, depuis 2 mois il y a des sites de camps de réfugiés à Paris, de véritables camps dans un état sanitaire infect, avec des violences indues, sans quasiment aucun soutien et à chaque fois avec une évacuation de la préfecture de police, là encore aucun soutien de la part du mouvement Nuit Debout. Donc le fait était que c'était plus finalement des petits comités politiques, politisés d'ailleurs des groupes en fait, plus qu'un réel mouvement social de fond avec toute la solidarité qu'il devrait manifester. En otro sentido, no, da igual. Lo único que hay que pensar, reflexionar, meditar y recapacitar la situación de las personas en la plaza y en todo París. 4 millones de personas sin papeles, con poco de problemas en situación inmigratoria. Hay 1,5 millones de personas, de parisinos, sin ayuda social, sin mesón, sin electricidad. No se puede dar importancia a una persona cuando todas las personas somos inmigrantes del planeta, de la tierra, del mundo. No se puede dar importancia a la economía cuando la economía no da de manjar a las personas, sino es una ayuda social de las mismas personas. L'idée à nouveau de cette discrimination est que c'est pas un petit problème parce qu'il s'agit de dizaines, de centaines de milliers de personnes sur le territoire, voire de millions de personnes en termes de millions à l'unité, peut-être 1 million, 1 500 000 personnes qui sont concernées, et encore plus avec la vraie pauvreté, la misère totale à la fois de la rue et à la fois de familles qui n'ont même plus de quoi se nourrir ou se vêtir. Il n'y a aucun soutien donc encore une fois de l'économie, qu'elle soit par ces petits groupes là qui ont fait le truc Nuit Debout pour la plupart, et par l'État en général ou la société. Il n'y a quasiment aucun soutien, aucune solidarité par rapport à ces sans-papiers et à ces immigrés et à ces gens qui ont rien quoi. Malgré qu'il y ait quelques, là je fais une petite parenthèse, malgré qu'il y ait quand même quelques fonds qui soient alloués, mais à très peu de gens. Alors effectivement c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, je ne sais quoi, le miroir aux alouettes, ce qu'on voudra. C'est-à-dire effectivement il y a des aides qui sont apportées, qui sont à très bien apportées, mais pour très peu de gens au final, et tous les autres sont délaissés pour compte. Au final donc c'est vraiment un problème, on ne peut pas parler de solidarité ni d'économie, parce qu'une économie digne de ce nom, une économie solidaire digne de ce nom, sociale digne de ce nom, n'oublie pas les plus pauvres, mais elle les met au contraire en priorité par rapport aux autres. Solamente hacer una reflexión para solucionar el problema social racial, para après hacer un sistema nuevo y para après poder cambiar la política de corrupción que hay en este estado del mundo. Et effectivement, il y aurait des solutions, notamment pour atténuer ce problème de discrimination sociale et raciale. Et une des solutions majeures, ce serait d'arrêter ce système de corruption, qu'elle soit nationale ou mondiale. Et là, effectivement, il y aurait effectivement l'argent pour aider les gens enfin. Voilà. Alors, merci à tous de la part de Francesco. Alors, moi, je vais dire un dernier petit mot. Après, je vais passer la parole à mon collègue qui est à côté. Alors, il se passe que, au niveau du social français, bon, bah, on oublie beaucoup tout ce qui est en précarité. Pour moi, je vois que on a donné au nom du mouvement, on a donné le mouvement Nuit Debout. Mais Nuit Debout, pour moi, c'est quoi? C'est que tout le monde doit rester sur la République, jour et nuit, qui doivent dormir sur la place pour pouvoir la bloquer. C'est une place publique, c'est une place ordonnée. Alors, comme tout à l'heure, je disais tout simplement la répression policière. La répression policière, je vais vous expliquer. Dernièrement, on a un collègue, on a une petite famille de 4 enfants, c'est des Roms qui arrivent d'Espagne, qui vivaient en toile de tente juste derrière Habitat, dans la rue derrière. Et il s'est passé qu'un matin, à 6h, ils se sont levés de bonne heure pour aller prendre la douche, pour pouvoir les enfants soient propres. Ils mettent du temps à se laver. Il s'est passé qu'arrivé à 7h30, 8h, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de toile de tente, il n'y avait plus de vêtements pour les enfants, il n'y avait plus rien. Le problème est là, c'est que dans le gouvernement français, on a envie de tout simplement, on nous dit, bon ben bah, voilà, place de la République, si on s'installe en toile de tente, bah, on nous vire dès 5h du matin, soit à coup de bâton, soit à coup de menace, sinon à coup de découpage de toile de tente, ou même autre. Pourquoi? Parce que tout simplement, place de la République, pour la laver. Alors, ils nous demandent, les places de l'ordre nous demandent un truc, ils nous demandent de pouvoir aller dans des rues autres que place de la République, sauf que si on va dans d'autres rues, vous avez encore la brigade de nuit qui vient nous emmerder, à tirer l'arigot, parce que tout simplement, on gêne la population. Alors, moi, j'ai posé à plusieurs reprises à ces personnes qui travaillent pour le gouvernement, où est-ce que, d'une, on peut être tranquille à dormir, de deux, comment on peut faire pour être tranquille et en étant à la rue? Alors tout simplement, ils n'ont même pas su me répondre eux-mêmes. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça vient encore de au-dessus. C'est des lois, c'est des règles qu'on leur donne pour abuser sur la société, pour montrer que au niveau des médias, bon ben voilà, les forces de l'ordre cette année ont fait un nettoyage d'aller 3000, 4000, 5000 personnes à la rue et qu'à la fin du compte, ben, on les repousse au plafond. C'est comme la dernière, vers le début de Nuit Debout, j'ai pris l'occupation avec M. Jean-Baptiste Hérault, qui est le DAL, le droit au logement, le directeur principal, et on est parti sur la mairie du 3e pour l'occuper pendant 4 heures d'affilée, pour avoir au moins un rendez-vous à la mairie de Paris. On a eu 3 rendez-vous devant les adjoints au maire. Sur les 3 rendez-vous, il n'y a aucune personne qui a réussi à s'en sortir. En même temps, quand on dit, parce qu'à plusieurs reprises, j'entendais sur Nuit Debout, oui, convergence des luttes, convergence des luttes, convergence des luttes. Mais pour moi, la convergence des luttes, c'est un lot de tout le monde qui se réunit. Que ce soit des sans-logis, que ce soit des précaires, des étudiants, des salariés, des patrons, des retraités, n'importe qui. Pour moi, ça, je ne l'ai pas vu, moi, dans mes manifs. Dans mes rassemblements, j'en ai pas vu beaucoup qui venaient de Nuit Debout venir pour pouvoir nous soutenir. Au contraire, allez, ils étaient au moins à la mairie de Paris. Allez, on va dire une dizaine de Nuit Debout et le reste, c'était que des mecs de la rue ou le dalle. Ça, c'est inadmissible. En même temps, pour le reste, c'est n'oubliez pas qu'on est des êtres humains, on n'est pas des animaux. On est des êtres humains, principalement. On est en chair, en os, on a un cœur, on a un cerveau. On a une bouche pour pouvoir parler, on a deux jambes, on a deux bras. On est comme vous-même qui vivez dans un appartement. Sauf que la seule situation, c'est que le gouvernement ne nous donne pas la capacité de pouvoir avancer comme vous avancez et de pouvoir aller travailler pour pouvoir gagner notre vie par la suite. Moi, je ne demande pas grand-chose. Qu'on peut me donner une caravane, un mobil-home ou même une chambre d'hôtel comme y a beaucoup de choses qui se passent ou autre chose, moi, j'accepte. Je serai le premier à accepter. Peut-être d'autres non, mais moi, oui. Après, vous avez des personnes qui ne veulent pas s'en sortir parce que voilà, ils préfèrent vivre par rapport à leur volonté suite à des parents qui ont trop touché d'argent. Ils ont tellement eu le goût de l'argent dans la bouche avec une belle petite cuillère en argent dans la main et une bonne petite assiette de caviar à côté. Et allez hop. Ça, c'est des personnes qui ont décidé qu'ils ne voudront pas s'en sortir. Mais comme je l'ai dit, mettez-nous pas dans le même sac. Mais Regardez-nous comme des êtres humains, mais pas comme des animaux. Merci encore. Ah, vite fait.